and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonsoir à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle émission sur les ondes de Fadjet. Music and the City est une capsule musicale hebdomadaire qui vous fera voyager auprès de tous les styles musicaux, mais principalement la pop musique. Je vais tenter de vous faire découvrir de nouveaux talents, mais également des versions alternatives de grands tubes. Des extraits live, des nouveautés, en d'autres termes, l'évasion le temps d'une petite demi-heure chaque lundi de 19h30 à 20h. Au programme de ce premier épisode, le retour d'une ex-égérie Disney, la sortie cet été d'un jeu vidéo réédité en haute définition et d'autres surprises à découvrir dans un instant. Et afin de faire honneur au générique de cette nouvelle émission, je vous propose d'ouvrir le bal avec Fergie et le titre Labels of Love, tiré de la bande originale du film Sex and the City, sorti en 2008. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Shopping for Lake Boots, shopping for Slime, Manolo and Louis. Music on the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. Nous l'avons connue, Egérie Disney, il y a une dizaine d'années. Elle est aujourd'hui l'un des plus grands noms de la pop musique. Pourtant, son parcours ne fut pas sans embûches. Miley Cyrus a provoqué pas mal d'indignation en passant de petite fille modèle dans la série Hannah Montana à une jeune femme complètement loufoque lors de sa dernière tournée mondiale. Inutile de rappeler les faits, on se souvient tous de la belle chevauchant une boule de destruction dans le clip sulfureux Wrecking Ball. Aujourd'hui, la jeune chanteuse de 24 ans revient avec un nouvel album à paraître et un style musical un peu plus acoustique, mettant en avant un talent dont plus personne ne peut douter. Younger Now, son nouveau single, en exclusivité dans Music and the City. Just woke up. Like all this time I've been asleep. Music and the City. La musique des jeux vidéo. Sur Fadjet. Le grand salon du jeu vidéo E3 s'est déroulé en juin dernier à Los Angeles. À cette occasion, le géant nippon Square Enix s'est fait relativement discret par rapport aux années précédentes. Il faut dire que son calendrier annoncé est déjà bel et bien complet. À commencer par la réédition du célèbre jeu vidéo Final Fantasy XII. Cette version HD est disponible depuis le 11 juillet et a été rebaptisée pour l'occasion The Zodiac Age. Le jeu, sorti initialement en 2006 sur PlayStation 2, proposait à l'époque une bande-son remarquable par le compositeur Hitoshi Sakimoto et surtout un thème chanté d'une incroyable beauté. Ce fut l'artiste japonaise Angela Aki qui fut choisie pour l'interpréter. Kiss Me Goodbye, la chanson phare du jeu, tout de suite dans Music and the City. Fears into Les artistes oubliés reviennent dans Music in the City. Si la vie personnelle de Céline Dion n'a pas été un long fleuve tranquille ces derniers mois, la diva s'est jetée corps et âme dans la musique. Un nouvel album francophone est d'ailleurs paru au printemps dernier, mais également une série de concerts en Europe cet été et le lancement d'une ligne d'accessoires féminins cet automne. Céline Dion est sur tous les fronts et tient les promesses faites à son défunt mari, René Angélil, de toujours continuer à briller. C'est avec émotion que j'ai décidé de rendre hommage à l'un des hommes qui a lancé la plus belle artiste de tous les temps, Céline Dion, avec le titre 3h20 dans Music in the City. Je t'ai dit non, ça ne voulait rien dire, j'avais encore très peur hier. Il me fallait le temps de réfléchir, j'étais encore bien jeune hier. Mais ne fais pas cette tête, tout ira bien, tu le sais. Puisqu'à la fin où tu vas, je vais. Ok, c'est décidé. Tu veux m'emmener loin d'ici. Tout est prévu, tu as tout arrangé pour demain dans l'après-midi. J'ai mes parents qui m'attendent. Ne t'en fais pas, je viendrai. Puisque toujours où tu vas, je vais. Thank you. 19h30, 20h, Music and the City sur Fadjet. On sort un petit peu de l'été puisque l'automne, arrive tout doucement. Et cet été, j'ai rendu une petite visite à une amie très chère, mon amie Manu, qui habite en région parisienne. Et je peux, sans abuser, dire qu'elle est une très grande fan d'une de nos chanteuses françaises les plus populaires, Madame France Gall. J'ai voulu aujourd'hui, pour cette première émission de Music and the City, faire un petit clin d'œil à mon amie en proposant une version totalement remasterisée d'un des plus grands tubes de l'artiste. La chanson, bien évidemment, est là, elle là. C'est un remix que je vous propose aujourd'hui, composé par Mr. Co, qui a totalement redimensionné l'œuvre pour notre plus grand plaisir. France Gall avec le titre Ella Ella, Mr. Co Rework Remix, tout de suite dans Music and the City. Seul c'est quoi? Music in the City sur Fadjet. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier numéro de Music in the City. J'espère que vous avez passé un agréable moment, en tout cas ce fut mon cas, et que vous avez pu découvrir, ou peut-être redécouvrir, tous ces artistes présentés aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver à la même heure, même jour, la semaine prochaine, pour découvrir de tout nouveaux titres. Je peux déjà vous dire que l'un des artistes de ce soir ouvrira l'émission prochaine, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous pourrez également retrouver sur Facebook l'émission Music in the City, sur la page qui lui est dédiée, à savoir Fadjet-Music in the City. Je vous proposerai chaque semaine les clips vidéo des chansons qui seront diffusées, mais également des photos, peut-être des interviews, d'autres surprises. On est là aussi pour faire vivre cette page. Vous aussi, vous pouvez aussi proposer des choses, donc n'hésitez pas. Je tenais également, parce que ça c'est très important aussi à dire, à remercier du fond du cœur plusieurs personnes, à commencer par Jean-Luc qui a travaillé sur les jingles de l'émission, également sur toutes les voix off que vous entendez, donc merci à lui. Également Yves qui m'a aidé dans toute la coordination de l'émission. Je voulais aussi remercier mon ami Gaël qui m'a poussé à prendre le micro sur Fadjet et je le remercie très fortement. Et Nicolas pour tous les visuels que vous retrouverez sur la page Facebook de Music in the City. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisse en compagnie de ce superbe générique qui est tiré de la série Sex and the City, qui a aussi un peu inspiré le titre de l'émission. Et à très vite. Au revoir tout le monde. Salut, salut.